Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter une nouvelle histoire de Zephira et Jim, les deux écureuils imaginés par Thomas. Elle s'intitule « Les folles galeries du duc Paline ». Bonne écoute. Derrière nos deux écureuils, la forêt de Loricou ne forme plus qu'une grande tache sombre. Un sourire se dessine sur le visage de Zephira, trop heureuse de se rapprocher de son village, celui des écureuils volants. Jim paraissait, comme à son habitude, nettement plus soucieux. Zeph, t'es sûr que c'est le meilleur chemin ? Mais oui, je préfère passer par les souterrains de ce duc Paline plutôt que par des montagnes remplies de rapaces au bec acéré. Ouais, ce duc Paline, il a quand même une sacrée réputation. Quoi ? Le fait qu'il soit un peu fêlé du casque ? On ne va quand même pas s'inquiéter pour un lapin un peu taré. Un lapin qui vit sous terre depuis des années en ayant creusé des galeries immenses, ça me rassure pas plus que ça. Ne t'inquiète pas, Jim. Ça va bien se passer. Mais ça ne rassure pas du tout son ami. Depuis toujours, il a une peur bleue des espaces clos. Mais hors de question de laisser ses angoisses le ridiculiser devant Zephira. 10 arbres, 14 fourrés et 168 pas plus tard, les deux amis arrivent à l'endroit indiqué par Crabuffle. Entre les racines noueuses d'un vieux chêne, il y a un trou tout juste assez large pour qu'il puisse passer. Zephira remarque la grimace de Jim, persuadée de ne pas pouvoir passer par cette ouverture si étroite. La jeune écureuil volante recule de quelques mètres, décoche un clin d'œil malicieux à son compère et, sans prévenir, s'élance en direction du terrier. Alors qu'elle allait buter contre les racines, elle plonge en avant, les deux pattes tendues devant elle, et pouf ! Elle disparaît dans la brèche. La bouche entrouverte et les bras ballants, Jim met une poignée de secondes à réagir. Zeph ! Zeph ! Ça va ? Tout roule, Jim ! Passe-moi ton sac à dos et rejoins-moi ! L'écureuil à lunettes s'exécute, lui passe son barda, puis prend une grande bouffée d'air frais et passe une jambe dans le trou. De façon bien moins gracieuse que sa collègue, Jim pénètre dans l'antre du duc Paline en dévalant une pente à pic sur les fesses. Après un roulé-boulé chaotique et hilarant, il prend la main tendue de Zephira qui l'aide à se relever. Sur ses lèvres flotte un rictus légèrement moqueur que Jim préfère ignorer. Débarrassé du nuage de poussière qui recouvrait son pelage, il sort sa lampe à verre luisant. La lumière leur révèle un décor auquel personne ne pouvait s'attendre. Devant eux, des dizaines de couloirs partent dans toutes les directions. Mais le plus surprenant, c'est que chacun d'entre eux est décoré de manière complètement loufoque. Des tableaux de brindilles, des dessins de feuilles mortes et des sculptures en écorce ornent les parois sur toute leur longueur, donnant au lieu un aspect bigarré qui en dit long sur la personnalité de celui qui l'habite. Bon. Quel chemin va-t-on prendre ? Je suis de moins en moins sûr que ce soit une bonne idée. Ne t'inquiète pas, on va prendre ce couloir et au fur et à mesure qu'on avancera, on laissera de petits cailloux derrière nous. J'ai lu ça dans un livre avant de partir de ton village. Ça nous permettra de retrouver notre chemin si on se perd. Ouais, si tu le dis. Les deux écureuils pénètrent dans le couloir situé le plus à gauche. Sur les murs, ils voient des portraits de lapins faits de pommes de pin et de fougères, des peintures réalisées grâce à la sève des arbres ou encore des motifs étranges creusés à même la terre. Ce duc Paline est peut-être frappadingue, mais c'est un sacré artiste. Tout en semant des pierres à chaque intersection, Zephira et Jim poursuivent leur route. Après avoir tourné encore et encore, les deux amis se rendent à l'évidence, ce chemin n'était pas le bon. Pas de problème, on va revenir sur nos pas et prendre un autre tunnel. Oh non. Mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais non, Zeph. Les cailloux ont disparu. Quoi ? Mais qui a pu faire ça ? Sans qu'on s'en rende compte en plus. Oh non, c'est le duc Paline, c'est sûr, c'est lui. On raconte qu'il est si rapide qu'on le voit à peine quand il se met à courir. On est perdu à tout jamais dans ce labyrinthe de l'enfer. Jim, Calme-toi, on va trouver une solution. Mais comment tu veux que je me calme? On est perdus, enterrés vivants, avec un lapin sanguinaire qui va nous dévorer comme une carotte bien cuite. Attends... Mais comment veux-tu que j'attende? C'est la fin des noisettes, on va y passer. Je sens quelque chose. Zéphira a les yeux fermés. Son museau remue à toute vitesse. Puis, d'un coup, elle file comme une flèche. Surpris, Jim essaie de la suivre tant bien que mal. Guidée par son flair, elle tourne à droite, puis à gauche, puis trois fois à droite, avant de foncer dans un nouveau tunnel. Soudain, Zéphira pile. Jim ne ralentit pas et la dépasse comme un éclair, avant de finir 2 mètres plus bas, dans une salle immense et entièrement recouverte de mosaïques. Prudente, Zéphira rejoint son camarade sur la pointe des pattes. Au centre de la pièce, un lapin portant un monocle et un haut de forme danse avec une poupée de chiffon, comme si de rien n'était. À côté de lui, un transistor bricolé de briques et de brocs diffuse de la musique classique. Estomaqué par ce spectacle, Zéphira et Jim le contemplent un instant avant de s'avancer pour le saluer. Le duc Paline s'arrête et pose sa poupée sur une chaise. Oh, d'où vous venez? Bien le bonjour à vous, étranger. Quel bon vent vous amène dans les entrailles de mon terrier? Quelqu'un nous a volé les cailloux servant à nous repérer, et quelque chose me dit que c'est vous. Oh là là là là là là là là, toutes mes excuses. Ce doit être encore un coup de Lola. Lola? Discrètement, le duc pointe du doigt la poupée assise sur la chaise. Dès que je la laisse toute seule, elle chipe tout ce qu'elle peut. Mais vous vous moquez de moi. Cette serpillière est incapable de poser un pied devant l'autre. Chut! Vous allez la vexer. Veuillez pardonner mon ami, mais comprenez-nous. Zéphira et moi sommes perdus. Pourriez-vous, au grand-duc, nous indiquer la sortie? D'accord, mais à une condition, que vous répondiez à 3 de mes énigmes. Si vous y arrivez, je vous indique le chemin. On n'a pas le temps pour ces enfantillages, duc. Zéphira bondit en avant pour attraper le duc. Malgré sa rigidité, le lapin l'esquive sans difficulté. La jeune écureuil n'avait jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Elle retente l'expérience une fois, deux fois, trois fois, mais à chaque essai, elle n'attrape que du vent. Bon, c'est bon, allez-y, posez vos questions. Parfait. Alors, pour commencer, je porte des lunettes, mais je n'y vois rien. Qui suis-je? Comment voulez-vous qu'on réponde à une question si absurde? Le nez. Quoi? Bravo, petit écureuil savant, c'est bien cela. Le nez porte les lunettes, pourtant il n'y voit rien. Prochaine question. Combien de carottes peut-on mettre dans une assiette vide? Oh, je crois que j'ai une idée. Attention, si vous vous en trompez, je ne vous indiquerai jamais la sortie. Je pense qu'on ne peut mettre qu'une carotte dans une assiette vide. Hein? Mais elle est minuscule, ton assiette. Bravo, petit écureuil intelligent, mais lorsqu'on a mis une carotte dans l'assiette, et celle-ci n'est plus vide, une seule, est donc la bonne réponse. Bon, ma dernière énigme sera la plus compliquée de toutes. Cela m'étonnerait que vous trouviez la réponse si facilement. Je suis Madame Zéphira, mais je ne suis pas Madame Zéphira. Mais alors, qui suis-je? Jim et Zéphira se regardent avec des yeux grands comme des soucoupes. Jim, ce lapin se moque de nous. Cette question n'a ni queue ni tête. Je suis Madame Zéphira, mais je ne suis pas Madame Zéphira. Partons, Jim. Même toi, tu ne pourras pas trouver. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'il fallait qu'on parte. Non, juste après. Que même toi... Mais oui, voilà, c'est ça. C'est moi la réponse. Jim, t'es devenu aussi marteau que ce lapin. Mais non, écoute. Je suis Madame Zéphira, c'est vrai. Que je te suis, partout où tu vas, je te suis. Mais par contre, je ne suis pas Madame Zéphira parce que tu es unique. Donc, qu'est-ce qui te suit, mais qui n'est pas toi? Eh ben, c'est moi. Le petit écureuil malin a trouvé. Oh, wow, Jim, t'es incroyable. Bien, guidez-nous vers la sortie maintenant, je n'en peux plus d'être ici. Eh bien, c'est-à-dire que oh, je ne sais pas vraiment où elle se trouve. Voyez-vous, moi-même, je suis perdu depuis des années. Dans mes propres galeries, à me nourrir de vers de terre et de racines d'ortie qui piquent la langue. Espèce de sale petit menteur! Désolé, je ne pensais pas que vous trouveriez. Mais maintenant, nous sommes nous sommes tous les quatre avec Lola. Nous allons nous amuser comme des fous. C'est terrible! Jim, calme-toi, ça va bien se passer. On va passer la fin de nos jours enfermés ici. Zéphira ne sait pas comment réconforter son amie. Lui qui avait toujours été là pour elle, lui qui se démène pour l'accompagner dans cette aventure, il faut qu'elle fasse quelque chose. D'instinct, elle sait qu'elle doit poser sa main sur le mur à côté d'elle. Entre ses griffes, elle sent la terre des galeries du duc. Machinalement, elle la porte à son museau. Cette odeur lui rappelle quelque chose. Elle longe le mur tout en le reniflant. Des flashs lui reviennent en tête. Des couleurs, des bribes de souvenirs, des sensations qui avaient disparu depuis longtemps. En faisant appel à ses cinq sens, Zéphira se laisse guider par ces fragments de mémoire qui surgissent à nouveau. Intriguée par le comportement de Zéphira, Jim sort de sa torpeur et suit son ami. Le duc Paline les accompagne, Lola sous le bras. Pendant près d'une heure, Zéphira hume, observe, palpe et écoute les couloirs qu'ils traversent. Quand soudain, ils aperçoivent une lumière blanche qui ne peut être que celle du soleil. Sans se précipiter, ils sortent des galeries. La clarté du jour leur pique les yeux. Ils sont libres. Jim se retourne et remarque alors que le duc Paline n'ose pas quitter son terrier. « Duc, venez. Vous êtes avec nous, vous ne risquez rien. » Je crois que je suis trop vieux pour affronter ce monde que j'ai quitté depuis si longtemps. Le vieux lapin lui adresse un sourire triste avant de retourner se perdre dans son terrier, en compagnie de sa poupée. Jim ? Oui ? Je me souviens de tout. C'était une nuit sans lune. Tout le village était endormi quand ils ont attaqué. Qui ça, ils ? Les renards des glaces, nos ennemis de toujours. On m'a envoyé chercher de l'aide. J'étais presque arrivée à ton village quand une tempête s'est levée. Une bourrasque m'a projetée contre un arbre et quand je me suis réveillée, j'étais chez vous. Mon peuple court un grand danger, Jim. Allons-y. Zéphira et Jim se mettent à courir entre les arbres calcinés en direction du village en ruine qui se dresse devant eux. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pour vous permettre de